Un soir de septembre 2014, 43 étudiants ont été arrêtés, frappés, puis portés disparus. Leurs familles les cherchent encore. Et derrière cette tragédie, une vérité dérangeante, l'implication directe des forces de l'ordre et des cartels.